c'était le temps des assassins, avec les moines, les flics et les rubans. C'était le temps des années sarkozystes, c'était le temps des coups et des sévices. Des gens qui crèvent dans le fourgon des flics, des immigrés et leur destin tragique. C'était le temps des faux semblants, des dieux donnés, des sardous fascisants. C'était le temps le pénisé, le bleu marine, question d'identité. C'était le temps des expulsions, du racisme d'État et des compromissions. C'était le temps des monstres endimanchés, des pédophiles et autres PDG. C'était le temps des assassins. Télévision, le miroir du destin. C'était le temps où moi j'avais 20 fleurs. Question d'amour, j'étais jamais à l'heure. C'était le temps de la solitude. Toujours perdant, mais jamais d'habitude. C'était le temps où moi j'avais 20 fleurs. Question d'amour, j'étais jamais à l'heure. C'était le temps de la solitude. Toujours perdant, mais jamais d'habitude.